إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور بالضم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به. فسر هنا بترك الشرك والذنوب والمعاصي، وفسر بالوضوء. والشطر فسر بالنصف وفسر بالجزء. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال. والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط. والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن حجة لك إذا قمت بما يجب عليك وما هو مطلوب منك، وإما حجة عليك إذا أعرضت عنه ولم تقم بما هو مطلوب منك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي، وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار، أجارنا الله جميعا منها. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخ مسلمان، d'après l'honorable compagnon Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari رضي الله عنه qui dit: le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: الطهور avec une dhamma sur le ta, qui est la purification, c'est l'action de se purifier, et la moitié ou une partie de la foi. Alhamdulillah, la louange à Allah remplit la balance. Subhanallah, glorification d'Allah. Walhamdulillah, et la louange à Allah remplissent ce qu'il y a entre le ciel et la terre. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve. La patience est aussi une lumière qui réchauffe. Le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Tous les gens sortent le matin et s'en vont pour commercer, faire le commerce de leur propre âme. Parmi ces gens, il y a ceux qui affranchissent, qui sauvent leur âme, et ceux qui l'amènent vers la perte. Rapporté par Muslim. At-tuhur, donc avec le Dhamma, c'est l'action, la purification, c'est l'action de se purifier. Contrairement au terme At-tahur, qui s'écrit de la même manière, seulement la première lettre ne prend pas la même voyelle. At-tahur avec un fatha, c'est l'eau avec laquelle on se purifie. L'eau qui nous permet de se purifier. Ici, la purification est expliquée comme étant le délaissement du polythéisme, des péchés et des actes de désobéissance. Et il a été aussi expliqué par les ablutions. Le terme ash-shatr, on peut l'expliquer par la moitié et aussi par une partie d'une chose. Alhamdulillah, la louange à Allah remplit la balance. Et subhanallah et alhamdulillah remplit ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Ici, il est voulu par la balance des œuvres. Et ceci prouve le mérite, la valeur de la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala et les louanges qui lui sont données. Glorifier Allah, de dire subhanallah, c'est exempter Allah tabaraka wa ta'ala, purifier Allah tabaraka wa ta'ala de tout ce qui est, tout ce qui amène à le diminuer, tout ce qui amène à une connotation négative. Yal tahmid, de louer Allah azza wa jal, c'est de décrire Allah tabaraka wa ta'ala par tout ce qui est parfait. La prière est une lumière. Ici, il est voulu par la lumière. La lumière dans le cœur, la lumière dans le, sur le visage, la lumière de la guidée et la lumière au jour dernier. L'aumône est une preuve, c'est-à-dire que celui qui fait l'aumône volontairement, avec joie, il donne, ceci est une preuve de sa foi et de sa sincérité. Et ceci parce qu'à la base, les âmes, les personnes n'aiment pas donner. Ils sont avares, donc c'est un effort qu'ils font, et celui qui le fait convenablement, ceci est une preuve de sa foi et de sa sincérité, et qu'il est véridique dans son action. La patience est une lumière, la patience sur les obéissances, les actes d'adoration, même si l'âme a du mal à les accomplir. Elle y trouve une difficulté, la patience face au péché, en s'éloignant de ses péchés, même si l'âme et la personne a une envie de les commettre, et aussi de patienter face aux décrets d'Allah Azza wa Jal, même s'ils sont durs, douloureux, des malheurs qui le touchent, il prend cela convenablement. Le Coran est une preuve, un argument en ta faveur ou contre toi. C'est-à-dire que le Coran sera un argument en ta faveur si tu pratiques ses enseignements, ce qui t'est demandé dedans. Et contrairement à cela, il sera un argument contre toi si tu t'en détournes et tu n'appliques pas ce qui t'est demandé. Tous les gens sortent le matin, vont le matin pour commercer, vendre leur âme. Parmi les gens, il y a ceux qui la sauvent, qui l'affranchissent et ceux qui l'amènent vers la perdition. C'est-à-dire que les gens se divisent en deux parties, deux catégories. Ceux qui ont vendu leur âme à Allah Azza wa Jal en pratiquant les adorations, les actes d'obéissance et en s'éloignant des péchés et des actes de désobéissance. En agissant ainsi, il sauve son âme du feu de l'enfer. Et l'autre partie, l'autre catégorie des gens, ce sont ceux qui sont en plein dans les péchés, dans les actes de désobéissance. En agissant ainsi, ils répondent favorablement à leurs désirs, à leurs passions. Et ce sont ces choses qui mènent vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve tous. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.